Ladru aime faire dans l'extravagance. Sa grammaire est inexacte et son humour n'est pas marrant. Là où les anges s'écorchent, où le diable s'élove, là où personne n'écoute, Sardou Jam s'érove. Ailleurs, j'aime dire, je viens de ce coin. Dans ce coin, je me jure d'en partir, moins de me plaindre, du moins pour les projets. Rien que j'ai dormi, frère, t'as rien vu. Ben ouais, le coin de rue est un somnifère. Le coin est moderne ou archaïque. Dans ce pays coincé, plein d'extrémistes au regard laïque. Le coin aime parler mal, passe du rire aux armes. La BO c'est Marley Marl et le bruit des gyrophares. C'est lui qui a tué Momo, trop vulnérable. Comme il pleuvait, ben y'a eu peu de monde aux funérailles. Sa paix est ruinée, vu ce qu'il a dû raquer. Fais confiance à Dieu, mais ferme ta voiture à clé. Mon coin de rue, c'est mon coin de rue. Mon coin de rue, c'est mon coin de rue. C'est mon coin de rue. Le point crucial de mon coin de rue sale. Allez, mon style va du coin de rue au cerveau, du cerveau à la feuille, de la feuille au micro. Ici le droit chemin est limité. On est garé en double fil sur les chemins de la dignité. Le coin aime voir ses gosses durcir. Car il passe le plus clair de son temps à l'obscurcir. Le bruit des tonnes, les petits m'étonnent. Ils ont les dents tellement longues qu'ils ont creusé un puits de pétrole. Artiste libre, pas de petite star. C'est devant chez moi qu'a Costa la mistade. Mon coin est une étoile sans lumière. Nos barbecues sont visibles depuis le sol lunaire. Devant c'est mon coin de rue. Derrière c'est mon coin de rue. Il m'a prouvé que tout est la faute des hommes. Lâcheté, avidité et plus c'est affinité. Mon coin de rue, c'est mon coin de rue. C'est mon coin de rue. Le point crucial de mon coin de rue sale. Mon coin de rue, c'est mon coin de rue. C'est mon coin de rue. Le point crucial de mon coin de rue sale. Allez, sa révolution télévisée, j'ai trop d'éthique. Ça tourne pas rond dans un coin, c'est géométrique. Je t'explique que les clichés ne sont pas sa voix. Même si des fois, l'envie d'argent remplace la loi. Comprends-moi, c'est du béton sur une savane. La réponse, ça se passe, la question, comment ça va, man. Le coin de la cité qui fait palpiter. J'ai beau en être parti, le coin de rue ne m'a pas quitté. Mon coin de rue, c'est mon coin de rue. C'est mon coin de rue. Le point crucial de mon coin de rue sale. Mon coin de rue, c'est mon coin de rue. C'est mon coin de rue. Le point crucial de mon coin de rue sale.